baby. City. Céder, monsieur, voilà mon CV. Dire qu'il y a quelques temps, le frisbee c'était mon CD. Avec brouillard, laisse-moi me tèche par la fenêtre. Par un autre, depuis quelques temps, j'ai confiance comme en opinel. Ce monde est barré, tu cannes dans la même soirée. Je suis noir, c'est déjà compliqué, pas question d'être un enfoiré. Pour dire, je te l'ai dit, ce mec cherche à te Kenny. Tu te feras moins taquiner avec un Sergio Tacchini. Tu cherches la compagnie, mais dans le club, y'a que des gamines qui rêvent de contempler les caribes sous cocaïne. Bientôt désarmé, l'impression de me faire violer. J'ai vu mon reflet dans un lac, je n'ai vu qu'un billet violet. Tu veux la vérité ou chanter en basse aimée? Quand tu sais tout ce que je sais, c'est dur d'aller se faire vacciner. Pas que t'es une terreur ou un petit anti-killer. Dis ton pédophile que son crime n'est pas un délit mineur. Sans vouloir t'offenser, c'est dur d'être un vrai français. Le conseil qu'apporte la nuit, la journée, te le conseille. Demande au Yorobo, c'est me qui voit un Yorobo. Ne tire jamais la chasse, bébé, au cas où je tirais du roro. Dealer, que c'est mort, lui c'est bien mon dernier mot. T'as donné le maximum, t'as disparu comme Massimo. Car c'est gravissimo, fausse comme Assumo. C'est dur décidément, tu tiens les murs, t'es dans le ciment. Paris a ses bandits et ses bandits repentis. Y'a des gens dans le dîme et des gens qui se dandinent. Ça veut se faire aimer pour pouvoir fanfaronner. Sortir la tête couronnée avec le pivot fariné. Avec CD, c'est pas l'armée du salut. Pendant que tes faces s'allument, la terre mère demeure à salut. L'ennemi sur ma route, tu sais quatre sous ma roue. L'avenir c'est par où, celle-ci se part en sous par où. Ça commence chaque année, je les vois déjà s'acharner. Je les vois toutes chialer, appeler leur chihuahua Chanel. On essaie de me salir, je suis capitaine comme de Saïd. Je suis du Zahir, fier comme ceux qui se revendiquent de Jazzaïr. Sale comme la Parisonne, pendant qu'elle est Ségara. Tu la veux mais elle, elle veut la bague à 44 carats. Star dans la capitale, star dans le Nord-Pas-de-Calais. Je confierai pas à Aïcha, à Jim, car il n'est pas carré.